Hello les Frenchies, cette émission est sponsorisée par 80s, le podcast des gens qui aiment les After Hates. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel animé no mélodie Omake spécial Logarithme. Logarithme était une société discographique française spécialisée dans l'édition de CD reprenant les génériques et les bandes originales de dessins animés. Pour en parler, je suis allé à la Japan Touch et j'ai rencontré Olivier Fallet, qui en était responsable. Et c'est parti pour une interview d'un peu plus d'une heure. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel animé no mélodie Omake, consacré à Logarithme, label d'édition de musique de dessins animés. Notre invité, Olivier Fallet, qui en était l'éditeur et superviseur du catalogue. Bonjour Olivier. Bonjour Damien, merci de m'inviter à cet Omake et de reparler de cette aventure que fut Logarithme. Alors, peux-tu te présenter à nos auditeurs et nous parler de ton parcours avant Logarithme ? Ah, donc on a une heure en plus pour... ok. Non, ben voilà, moi j'ai commencé à travailler dans l'animation japonaise en faisant de la radio, sur une radio qui s'appelait Super Loustic à la fin des années 80. Voilà, puis ensuite j'ai fait pas mal de choses toujours dans le domaine de l'animation et du manga, rédacteur en chef d'Animeland de 2006 à 2013. T'as été d'abord pigiste ? Pigiste. D'abord, j'ai connu Animeland à ses débuts, même si je l'ai pas créé, mais j'ai connu l'équipe qui l'a créé. Voilà, puis j'ai fait des choses à droite à gauche. T'as travaillé sur RMC. Voilà, RMC, un parcours de radio au départ, ensuite parcours de radio. Ensuite écriture, d'abord dans Animeland, dans le Joypad. Voilà, responsable d'édition pour le label AK Vidéo. Le 3615. 3615 Toon, j'ai fait du Minitel, voilà. C'est dire que je suis vieux. Et puis voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, tu t'occupes maintenant d'une plateforme SVOD. SVOD, merci. SVAD si on veut dire à la française. Bon, moi je vais le dire SVOD. Alors, est-ce que tu peux décrire plus précisément le travail que tu effectuais chez Logarithme ? Chez Logarithme, j'étais, entre guillemets, responsable éditorial. C'était vraiment le choix des titres qui étaient édités dans la collection. Alors on va peut-être expliquer comment est né Logarithme. Ça allait être ma question suivante. Voilà, Logarithme est né d'une idée. J'étais graphiste au départ pour Yves Huchesse, qui était à l'époque le patron du label IDP. Ouais. J'étais graphiste, j'ai fait beaucoup de ses jaquettes, les coffrets Ulysse 31, Capitaine Flamme, Tom Sawyer, toutes ces choses-là qui sont sorties en DVD au début des années 2000 ou fin des années 90. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses pour lui là-dessus. Et voilà, et en discutant, lui voulait étendre ses activités. On en est venu à parler de musique, et c'est vrai que moi c'était un rêve que j'avais depuis longtemps, d'éditer des BO. J'ai toujours été fan de BO, puisque comme je le disais, j'ai commencé en faisant de la radio, en diffusant des génériques de dessins animés. J'ai été parmi les premiers à découvrir qu'on pouvait acheter des BO japonaises en les faisant venir du Japon. Et en parlant dans Animeland. En parlant dans Animeland, en les diffusant quand j'ai fait de la radio. Et voilà, et mon rêve quelque part c'était d'éditer ces CD en France pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre, et voir aussi parfois d'éditer des BO qui avait jamais été soit édité au Japon ou soit même édité en France pour des BO de séries françaises. Donc j'avais parlé de ça à Yves Huchesse, et lui qui voulait étendre ses activités trouvait que c'était une activité intéressante, que ça se complétait par rapport à l'édition vidéo, justement par rapport aux séries qui pouvaient sortir. Il avait les contacts, et c'est comme ça qu'on a décidé de fonder tous les deux ce label. Donc lui gérait plutôt la distribution, le côté financier, l'investissement, et moi le côté édito, qu'est-ce qu'on allait sortir. Et c'est comme ça qu'on s'est associé pour monter ce label en 2001. Il y a eu des difficultés au départ pour le lancer ce label ? Oui, parce que faire de la musique, on s'est rendu compte que c'est quelque chose de compliqué. C'est plus compliqué que de faire de la BD, du manga, c'est plus compliqué de faire du dessin animé. C'est un domaine très spécifique. Par exemple, on a découvert quelque chose de tout bête. On peut pas être éditeur musical si on n'a pas fait, alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais si on n'a pas édité et créé 5 créations originales de chansons. Donc il y a tout un tas de contraintes comme ça. Pour rentrer à la SACEM et se faire référencer, pour pouvoir être référencé comme éditeur, il y a aussi des conditions assez particulières. Et voilà. Et si vous êtes Par exemple, si vous voulez juste rééditer des anciennes musiques mais que vous n'avez pas produit, bah, vous ne pouvez pas être un éditeur musical. C'est des choses qu'on a vraiment découvert sur le tas, qu'on n'a pas trop vu venir et qui ont tout de suite placé la barre assez haut pour arriver à créer ce label. Donc c'est pour ça aussi, alors il s'est trouvé qu'à l'époque, Yves avait commandé des génériques pour ses séries, notamment auprès de Jean-Jacques Debout. Il avait demandé à créer un générique pour Conan, le fils du futur. Il y avait plusieurs petites initiatives comme ça. Il y a eu des chansons du Tour du monde en 80 jours qu'avait fait aussi Michel Barouille, pas le remake, c'était des petites chansons qu'on voulait faire pour agrémenter. Donc voilà, du coup on a trouvé ces choses-là, on a pu créer notre label, mais voilà, on s'est rendu compte que c'était difficile de créer un label. Et puis c'était quelque chose d'un petit peu osé, parce que déjà à cette époque-là, dès le début des années 2000, la musique était commençait un peu à décliner, le téléchargement avait fait baisser les ventes, et c'était déjà un secteur qui était annoncé comme sinistré, donc se lancer dans la musique c'était un peu fou. Voilà, il n'y avait aucune recherche à voir si... c'était viable finalement. Pensait que c'était viable parce qu'on pensait qu'il y avait quand même une demande et que et on connaissait les animés fans. Enfin, IDP existait depuis un certain temps. Illuchess faisait des salons comme Japan Expo qui existait déjà à cette époque-là. Donc on savait qu'il y avait une demande. Il y avait un revival aussi sur les génériques de dessins animés. Il y avait, je crois, les Gloopy Bulga Night qui était aussi de cette époque-là, qui avait marché. Donc on voyait bien que les gens... Il y avait une demande sur deux choses, d'ailleurs c'était l'axe de Logarith, sur les vieux génériques de dessins animés, les classiques, les génériques français, et puis les BO, voilà, les BO, on voyait que ça se vendait, il y avait des magasins comme Concy qui vendaient des BO certes pirates, oui, mais qui en vendaient beaucoup, donc voilà, on n'avait pas de chiffres parce que c'était très difficile d'avoir une étude de marché, mais en tout cas on était persuadé qu'il y avait quand même une demande, certes de niche, mais il y avait une demande, et... Malgré tout, alors je disais, il y avait des difficultés pour faire une maison de disques, mais par contre, quand vous éditez un CD, c'est finalement si simple, il n'y a pas besoin de traduire, à part le livret, on copie le CD ou on récupère les éléments, et c'est plus facile de faire un CD que de sous-titrer un animé ou de le doubler, ou même de traduire un manga où il faut scanner les planches et traduire. Donc, après, la mise en œuvre était relativement facile. Enfin, la dernière difficulté, c'était d'arriver à distribuer tout ça, et c'était aussi une des raisons qui faisait que Yves Huchesse voulait, à l'époque... ça l'intéressait. Il voulait développer sa distribution de ses DVD pour les distribuer en direct et monter une structure de distribution. Et on s'est aussi servi de ça pour rentrer en référencement dans les FNAC et dans les maisons dans les grands circuits de distribution traditionnels. Et d'avoir ce catalogue de CD a permis aussi d'enrichir et de justifier la création d'une structure de distribution qui va devenir par la suite Loga Distribution. Tout ça n'existe plus aujourd'hui, hein, mais voilà, ça s'est inscrit aussi dans un programme de développement qui était aussi celui de la société IDP à l'époque. Mais comme vous êtes, vous sortiez plus des Soundtrack Oldies, par rapport aux boutiques qui vendaient du pirate, mais c'était plutôt des animés récents, donc forcément ça touchait pas trop cela, j'imagine. Ça pouvait pas, la clientèle ne pouvait qu'acheter vos CD puisqu'on ne les trouvait pas finalement en pirate de base. Oui, alors pourquoi on a choisi de sortir du Oldies? Bah parce que c'était aussi le catalogue d'IDP à cette époque-là. À cette époque-là, IDP, oui, voilà, c'était Capitaine Flamme, c'était Tom Sawyer, c'était Ulysse 31. Ils commençaient par la suite, ils ont commencé à faire après des séries un petit peu plus récentes. Mais c'était vraiment pas leur axe éditorial. Et pareil, moi, ce que je connaissais, c'était plutôt ces BO classiques. Et puis, pareil, les BO classiques, pour moi, avaient une plus grande portée parce que c'est des titres qui parlaient à tout le monde que, je vais dire n'importe quoi, la BO d'un dernier animé. Et comme tu le soulignes, effectivement, qu'on pouvait trouver facilement en import japonais. La grande surface, c'est plus vendeur quand c'est voilà, ce qui a touché l'enfance. Nous, on avait vraiment l'ambition de toucher les grandes surfaces et les FNAC. Et là, il fallait quand même des titres qui parlent aux distributeurs ou aux revendeurs. On a parlé tout à l'heure des difficultés, des choses que vous avez découvertes en créant donc ce label. Les éditeurs japonais, est-ce qu'ils ont posé des contraintes finalement sur les sorties de ces CD, sur les jaquettes, sur peut-être le contenu Alors on va se resituer dans l'époque, on est en 2001-2002. Il y a Internet, mais Internet n'était pas développé comme maintenant. Donc à cette époque-là, on discutait encore avec les éditeurs japonais, encore un peu par fax, par courrier. C'était encore la méthode traditionnelle. Donc les Japonais, on en a rencontré quelques-uns. On est allé au MIDEM, qui est le marché de vente de droits internationaux de la musique. Quand on a voulu lancer le label, on est allé là-bas pour rencontrer des éditeurs japonais. On a vu personne en fait. Il y en avait quelques-uns, mais ils n'étaient pas du tout ouverts pour vendre. D'ailleurs, on se demandait ce qu'ils faisaient là, quoi. Des Avex et autres maisons de disques comme ça. Ils n'étaient pas enclins à vendre. Puis de toute façon, ce qu'ils avaient à vendre, c'était des artistes de J-pop. C'est pas ce qui nous intéressait nous. Donc finalement, ça a tourné assez court et ce voyage au MIDEM nous a pas apporté beaucoup de contacts. Des contacts, on les a eus au début par Yves Huchez qui traitait donc qui achetait des séries. Et tout simplement, il a demandé à l'ayant droit des séries, il a demandé à Nippon Animation si on pouvait acheter la BO de Tom Sawyer et de Conan. Il se trouvait que Nippon Animation pouvait nous les vendre directement, donc on les a achetés directement avec eux parce qu'ils traitaient avec eux sur d'autres séries. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Notre plus gros contrat, ça avait été avec la Nippon Columbia pour un ensemble de BO qui allait de Saint Seiya Dragon Ball Z, mais aussi des trucs plus vieux comme XOR, le fameux CD de Candy dont on va peut-être reparler. Donc là, on avait fait un package directement avec la Nippon Columbia, mais les contacts, voilà, c'était des contacts par fax. C'était à l'époque très fastidieux. Bien sûr que il répondait, mais une fois que le contrat était signé, ils avaient pas trop d'exigences. Ils nous ont juste bien expliqué que ils pouvaient pas nous vendre les droits des images, hormis quand c'était le producteur direct comme Nippon Animation. Quand c'est une maison de disques comme Columbia, ils ont pas les droits sur les images. Ils pouvaient nous vendre la BO, mais pas les images. Donc ils nous ont expliqué que les images, il fallait les négocier à part aux ayants droit des séries. Ça n'a pas forcément posé problème parce que là encore, on avait choisi des séries qui étaient déjà éditées chez IDP, comme XOR, Candy. Bon, là, on n'avait pas le droit de mettre d'image, donc on n'en a pas mis. À cette époque-là, c'était AB qui détenait les droits, qui gérait les licences comme Dragon Ball Z, Saint Seiya, Ken le Survivant. Donc là, ensuite, on a dealé directement avec AB pour récupérer le générique français et pour avoir le droit d'utiliser les images. Donc finalement, c'est des deals qui ont été faits de manière assez simple. Et le contrôle sur les livrets, voilà, c'était pas trop regardant. Il fallait bien sûr pas faire n'importe quoi et aller sortir n'importe quelle image. Mais on a mis les images souvent des disques japonais ou les images qu'ils avaient l'habitude d'utiliser eux. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, évidemment, ça se passerait pas comme ça et il faudrait envoyer des PDF, faire tout valider, et ça serait beaucoup plus contraignant. Mais c'était un peu la fin de cette époque où la distance faisait que le contrôle était un petit peu moins important. D'accord. Là, c'est entre guillemets le fan qui va parler un tout petit peu, le fan de BO. Est-ce que c'est un choix de ne pas avoir voulu, pour certains CD, mis les intentions du compositeur? On retrouve des fois sur des CD les intentions du compositeur. Il écrit sur deux pages ce qu'il a envie de dire sur la création de sa musique. C'est pas un choix, mais là aussi c'est des questions de droit. En fait, quand on achète la BO de Saint Seiya, Nippon Columbia nous vend ça. Après, le texte qu'ils ont mis dans leur CD, ils ont pas forcément le droit de vendre ce texte à l'étranger. Donc du coup, on n'a pas forcément le droit de reprendre les informations. En tout cas, des créations de textes qui ont été faites spécialement éditorialement pour la version japonaise, on n'a pas forcément le droit. On aurait pu le demander, mais encore une fois, la relation fastidieuse par fax fait que. À cette époque-là, c'était vraiment compliqué et des fois, ça, ils nous répondaient au bout de plusieurs semaines. Donc, quand il y avait une réponse, même si on n'avait pas forcément, enfin, on allait au plus pressé et le but était de conclure le contrat, de pas trop tarder aussi pour sortir ses CD. Donc voilà, ça, vraiment à cette époque-là, le dialogue avec les ayants droit japonais était quand même fastidieux et compliqué. Donc ça veut dire que par exemple, si vous aviez sorti la musique de Fushigi no Nadia, vous n'auriez peut-être pas pu mettre les petits SD qu'il y avait en bande dessinée à l'intérieur des livrets. Parce que là, il a fallu peut-être demander les droits aussi à Sadamoto, savoir s'il est d'accord ou pas, et ainsi de suite. Voilà, c'est le genre de choses qui aurait pu se poser. C'était pas forcément d'ailleurs Sadamoto qui aurait eu les droits, mais il aurait fallu demander à la maison de 10 si le contenu des CD, il nous autorisait à l'utiliser ou pas. Voilà, et donc c'est du cas par cas aussi, hein. On peut pas faire de généralité, mais voilà, en tout cas sur tout ce qui concerne la partie japonaise. D'accord. On parlait tout à l'heure des distributeurs. Est-ce qu'ils ont joué le jeu en termes de vente? Est-ce qu'ils ont mis en avant correctement les produits ou est-ce que ça a été difficile à placer? Notre distributeur principal, en tout cas dans la grande distribution, c'était la Fnac. Et là, ça dépendait. En fait, ça dépend vraiment du chef de rayon. On avait un chef de rayon, la Fnac des Champs-Élysées. Il nous adorait et il nous a fait des facings fabuleux qui étaient nos CD étaient vraiment bien mis en avant. En plus, la Fnac des Champs-Élysées, c'est quand même une belle Fnac. Et je me souviens un jour, on a rencontré Kenji Kawai et on voulait lui en mettre plein la vue sur ce qu'on sortait et on l'a emmené sur les Champs-Élysées à la Fnac et voilà, il y avait un rayon entier qui était à nous. Donc voilà, oui, il y en a qui ont joué le jeu, puis il y en a qui jouaient pas le jeu parce que ils connaissaient pas ou alors ils avaient pas assez de place dans leur rayon pour nous mettre en avant, donc là aussi ça dépendait en fait. Et là aussi c'est un petit peu les limites, évidemment pour bien faire il faut prendre le temps d'aller rencontrer les chefs de rayon, de vendre son produit et d'aller aussi pas seulement en France. Donc voilà, petit à petit Loga Distribution s'est développé, il y a eu des commerciaux, ils ont fait ce travail, mais voilà, il n'y avait pas non plus 50 commerciaux, donc les moyens étaient limités, ils devaient placer aussi des DVD IDP, donc voilà, tout n'a pas forcément été fait comme ça aurait pu être fait pour améliorer ça, et c'était sûrement perfectible. Ouais. Mais voilà, mais je sais qu'on a eu des belles mises en avant quand même. Avec le regard d'aujourd'hui, quels étaient les points forts et les points faibles finalement de Logarithme ? Les points forts, c'était quand même des séries assez porteuses. Voilà, on a eu des belles licences comme Saint Seiya, Dragon Ball Z, ou sur les compilations de génériques, des belles compilations génériques. Les points faibles, c'est peut-être une approche qui était peut-être parfois encore un petit peu trop fan. Une retenue aussi, c'est vrai que on faisait attention d'utiliser des images sur lesquelles on avait des droits. Donc du coup, on avait des compiles qui étaient pas très sexy parce qu'il y avait pas forcément des grosses images de dessins animés. Maintenant, avec le recul, quand je vois les premiers masters génériques, ils sont vraiment horribles. Déjà, c'est surchargé. Il y a des titres, il y a le logo qui est pas super top. La maquette, elle aurait pu être mieux. Et puis surtout, les images sont toutes petites. Mais c'est vrai qu'on n'osait pas. On n'avait pas forcément le droit de mettre ce qu'on voulait. On respectait ça, tant bien que mal. Et ça a fait des CD qui étaient peut-être pas très vendeurs. Quand on voit certaines compiles Animage, c'est pas top non plus, hein, sur les versions japonaises non plus. Donc faut pas... Oui, mais au Japon, des fois les séries parlent d'elles-mêmes. Et puis ces CD sont plus des trucs de niche. Mais nous, on visait quand même du grand public. Et le grand public, il faut leur faire une jaquette qui claque. Et pareil, moi, j'avais le côté perfectible, perfectionniste, de vouloir rajouter le générique un peu rare, un peu inconnu. Et des fois, on a fait des CD qui, pour le grand public, peut-être n'avaient pas assez de titres forts pour être suffisamment très vendeurs. Mais c'est toujours difficile de trouver cette équipe. Notre cœur de cible, c'était les fans. Ils étaient contents qu'on leur sorte des trucs rares. Mais aussi, il fallait penser à vendre. Donc, voilà. Il y a un exemple que je donne souvent. C'est qu'une des meilleures ventes dans les BO de Logarithme, ça a été Saint Seiya et Dragon Ball Z. Moi, ça m'attriste parce que ces CD, on n'a rien fait. Enfin, si, on les a travaillés quand même. Mais Saint Seiya, il venait d'être. On a fait exactement les mêmes CD qui venaient d'être réédités au Japon, donc qui étaient disponibles en import. Dragon Ball Z, il y en avait un, c'était une double compilation des génériques et l'autre, c'était des BO qu'on trouvait depuis 10 ans. Enfin, il y avait rien de franchement inédit. Et ben, c'est ce qui s'est le mieux vendu. Voilà. Et par contre, des perles ou des choses vraiment rares qu'on a sorties, qui étaient des très très belles BO, des fois ont été des catastrophes en termes de vente. Et je pense notamment au Mondes Engloutis, où pourtant une BO avec quelqu'un de connu comme Vladimir Cosma, certes la série était ancienne, mais c'était quand même une notoriété. Ça s'est vraiment très très très mal vendu. Donc voilà. Enfin, pour tout ce qui est japonais, finalement, de base. On parle des Mondes Engloutis en musique, c'était pas forcément peut-être porteur pour la musique, mais plus pour l'anime lui-même qu'ils achetaient, non ? Je saurais pas trop dire. En tout cas, voilà, bon, avec le recul, je vois qu'effectivement, il y avait peut-être moyen de mieux vendre nos CD sur les jaquettes, sur les contenus. Voilà, maintenant, j'ai pas de regrets, je suis content d'avoir sorti ces choses-là. Un des points forts aussi, c'était que vous remasterisez aussi les génériques, il me semble, de mémoire. Hein. Mais en fait, moi aussi, une des raisons qui m'avait motivé à lancer Logarithme, c'est que j'en avais marre de voir des compilations de génériques qui sortaient, où on se contentait de mettre un disque sur un CD, ça craquait de partout, des fois c'était pas la bonne version, voilà. Donc ça sentait quand même l'amateurisme, et on rassemblait comme ça un truc vite fait, et moi je voulais faire ça bien, je voulais retrouver les masters pour avoir un bon son, etc. Donc c'était aussi mon ambition de départ. La réalité des choses a été tout autre. Je me suis rendu compte que c'était très difficile d'avoir accès aux masters, que souvent ils étaient perdus, ou parfois ils étaient même pas perdus, mais on nous donnait pas accès à ça, ou par flemme aussi, l'ayant droit ne cherchait pas à retrouver les masters et nous laissait. Ah, ils étaient ravis de nous vendre des génériques. Et puis une fois qu'on avait signé, on n'a rien. Ou ils nous tendaient trois disques et voilà quoi. C'était le cas, par exemple pour Saban. Et des années après, finalement, on a appris qu'il y avait quand même bel et bien des masters, que des fois ils étaient juste un étage en dessous dans un placard qu'ils n'ont pas voulu ouvrir, et ça c'est rageant quoi. On a quand même retrouvé des masters parce qu'on a fait vraiment un travail de fond. On a eu des gens qui ont travaillé avec nous, je pense notamment à Rui Pasquale qui s'est démené et qui a travaillé, qui a retrouvé des choses incroyables, des auteurs, des compositeurs qui avaient gardé des choses chez eux. On a retrouvé des gens. Donc on a parfois retrouvé du matériel, on a eu du coup de bol aussi, justement, bah, par exemple sur les Masters Génériques Saban, qui a été notre première compilation de génériques de dessins animés qu'on a sorti, le double CD, Au départ, on était parti que sur que du disque parce qu'il n'avait officiellement aucun master, il savait plus où c'était. Voilà, bon, bref. Donc j'étais parti pour prendre mes disques. Comme je voulais faire ça bien, j'ai essayé de faire ça dans un studio. Donc on a contacté un studio qui enlevait les craquements parce que je voulais que ce soit fait de manière professionnelle. Et alors là, coup de bol, j'amène mes disques dans le studio. Et le gars, il dit bon, bah c'est bien, mais et le gars qui veut nous faire la leçon, qui dit mais pourquoi vous prenez les disques, pourquoi vous prenez pas les masters, ça serait quand même de meilleure qualité, parce que bon, un disque, ok, on va travailler dessus, mais ça sera jamais parfait. Alors moi, lui, bah oui, bah, on aimerait bien prendre des masters, mais on les a pas. J'explique évidemment, moi aussi j'aurais aimé. Et là, le gars qui me dit ah bon, mais pourtant, bah, j'ai été ingénieur du son et je me souviens parfaitement avoir, c'était moi l'ingénieur du son sur plusieurs de ces génériques là, 15 ans plus tôt. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans un studio que j'ai quitté il y a quelques années. Et je me souviens très bien que les trucs, les masters, ils étaient sur une étagère. On n'arrêtait pas d'appeler Saban pour qu'ils viennent les chercher et ils venaient jamais les chercher. Et il me dit, je suis plus dans ce studio, mais à tous les coups, les trucs, ils y sont encore, quoi. Ils sont à la même étagère. Voilà. Et ben, effectivement, ils y étaient encore. Et on a récupéré, alors pas tout ce qu'on voulait, mais on a récupéré des choses, quoi. Voilà, et c'est le coup de bol incroyable, quoi. Le studio et le gars qui allait décliquer nos disques, voilà, c'est. Et on a. Voilà. Et du coup, Saban, on les a récupérés finalement ? Oui, bah, la première chose que Saban a récupéré, nous on pouvait pas les demander, nous, donc on a fait remonter l'info, et Saban les a récupérés, et ils nous ont donné un carton pour piocher dedans, et regarder si c'est bien ce qu'on voulait, quoi. Mais voilà, et des fois c'était des coups de bol comme ça. Sur l'IDDH aussi, de base, on est parti avec quasi rien. Moi, je sais que j'avais mis la main il y a longtemps. Oui, j'avais déjà fait un label vidéo avec AK Vidéo aussi. Alors, on va pas refaire toute l'histoire. Mais à l'époque, j'avais récupéré les masters de quelques génériques comme Cobra ou l'Empire des Cinq. Et Albator aussi. Mais c'était très pauvre. Mais là, par contre, on a recontacté Jean-Daniel Mercier, Cyril de Turckheim. Alors malheureusement, les compositeurs qui ont eux-mêmes fait ces trucs, ils n'ont pas forcément conservé des choses. Là aussi, il faut resituer dans l'époque. Maintenant, vous avez vos studios chez vous et vous faites une copie numérique. Mais à l'époque, c'est du matériel tellement lourd, des bandes, que à la fin, il n'y avait qu'un seul master, qu'une seule bande, parce que ça coûtait cher. Et elle revenait au producteur ou à l'éditeur. C'était pas le compositeur qui détenait son propre matériel. Il l'avait composé, mais la bande master, voilà. Mais parfois, il y en a quelques-uns, il y en avait qui avaient conservé des trucs et on a retrouvé des masters. On pouvait réenregistrer par-dessus ? C'est-à-dire une cassette audio ou c'était Oui, on pouvait, mais enfin... Des fois, si ça coûte cher, on reprend la même bande. Non, parce que le master, il n'y en a qu'un seul et le dupliqué coûtait cher aussi. Donc, on ne se faisait pas des copies comme ça à tire-larigot. Et puis surtout, oui, ça garantissait au producteur qu'il était le seul détenteur et que ça n'allait pas être dupliqué n'importe où ailleurs. Il y avait aussi un côté un peu exclusif et qui garantissait ce qu'on avait financé, on était bien le seul à le garder. D'accord. Mais voilà, donc... Un travail de fourmi, je sais qu'on a été critiqué, que on n'a pas tout retrouvé, que des fois on a dû aussi nous se contenter de disques. On a fait du mieux qu'on a pu, je dis pas que c'était le meilleur résultat qu'on ait pu trouver. La restauration à partir de vinyle, c'est un travail long et fastidieux. Perfectible, c'est des choix, on peut pousser le filtre plus mais on abîme des choses, on peut laisser un peu des craquements pour garder une amplitude. Et il y en a toujours qui préfèrent, on peut toujours discuter, tergiverser là-dessus. C'est une question de moyens aussi. On peut faire comme Disney qui restaurera à la perfection ses films, mais bon, qui financent et qui savent que derrière ça va être rentable. Moi, quand je vais dans un studio et que je demande à restaurer, voilà, je peux pas me permettre non plus pour une compile de dire vous passez 3 jours par chanson, sinon ça va me coûter tellement cher que c'est pas possible. D'ailleurs, par la suite, j'avais été un peu déçu par le studio qui nous avait fait les premières restaurations et j'avais fini après par les faire moi-même. J'avais peut-être un logiciel moins professionnel, mais par contre, moi, du coup, je pouvais ne pas compter mes heures et réessayer plusieurs fois. Et finalement, pareil, résultat perfectible. Je reconnais aujourd'hui que j'avais quand même j'ai pas une formation de son, mais ayant travaillé dans la radio, je pensais quand même avoir une oreille suffisante. Sur quel titre tu as vraiment galéré et tu as retravaillé du coup ? Je me souviens plus trop, j'en ai fait tellement, mais ouais, les compiles IDDH, les compiles La 5 aussi. La 5, ils avaient gardé un peu plus de matériel originaux, mais il y avait des trucs qu'ils avaient complètement perdu et il a fallu là aussi reprendre des disques. Ou heureusement, La 5 avait sorti des trucs en CD au tout début, donc on a pu. C'était très mal masterisé, mais ça craquait pas au moins. Après, c'était un peu d'équaliseur pour essayer de rattraper les choses, enlever un peu le souffle, le bruit de fond qu'il pouvait y avoir. Mais voilà, donc l'aventure des génériques, des compiles de génériques, elle s'est faite comme ça. Je suis quand même très content parce qu'on a vraiment sorti des trucs qui n'étaient jamais sortis, les génériques de Princesse Saphir, les génériques de la 5. Jusqu'au boutiste, hein, parce que même les années 90 quand même. Voilà, bah, fameux, cette fameuse compil des années 90 qui est certes qui s'est pas vendue et qui sont loin d'être les meilleures chansons. Juste au bout du mais, projet. Par contre, c'était entièrement inédit, ça n'avait oui, jamais été vrai. Édité. On avait entendu que les versions télé, ils avaient chanté, il y avait les versions, voilà, les versions complètes. Oui, je suis très content d'avoir sorti ça, même si, bon, effectivement, ça s'est pas vendu. Mais c'est pas grave, voilà, au moins ces chansons, elles sont disponibles aujourd'hui. Et tu as sorti chaque CD de chaque époque, donc c'est vrai que... Mais oui, je pense qu'il aurait peut-être été plus utile de mélanger peut-être les choses, mais... Après, oui, non, c'était... on était obligé de... Quand on signe un contrat avec sur les génériques de la 5, on peut pas les mélanger avec des génériques de Saban. Ah. Il vaut mieux respecter, surtout quand c'est des catalogues entiers. Quand on achète un générique par-ci par-là, oui, on négocie que ça sera au prorata du générique, etc. Mais quand c'est des catalogues, c'était plus simple de laisser pour reverser les droits. Après, ça évite les contestations ou des calculs d'apothicaire. Voilà. Alors, tu as parlé tout à l'heure qu'il y a eu quelques soucis sur le forum, sur les CD. J'avais envie de parler avec toi des mondes engloutis, justement. Tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. Alors, il y a eu un débat. Alors, moi, je l'ai pas suivi ce débat. Je t'avoue que je l'ai découvert sur le forum de Loga, comme quoi. Alors, je te lis ce que j'ai lu, hein, parce que franchement, attends. Il y a eu un débat peut-être sur le forum de Loga aurait été lancé sur la bande originale et qui expliquerait en partie la difficulté pour pérenniser la santé d'un label de musique, de film ou de dessin animé. Alors, j'ai pas trop compris de ce que ça voulait dire exactement comme phrase. Alors, ça remonte et je ça me souviens. Ça s'est pas vendu, peut-être, et que du coup, ça peut couler nos sociétés. Peut-être. Alors moi, de mémoire, parce que ça remonte un peu, ouais. De mémoire, on nous avait reproché la playlist des mondes engloutis, oui, c'est vrai. On nous avait reproché qu'il manquait des musiques importantes de la série, on nous avait reproché qu'on avait mis des musiques plutôt anecdotiques, on nous avait reproché que la chanson de Bic et Bac, on avait mis une version de 4 couplets, et donc on n'avait pas mis la version 45 tours de 3 couplets, et que... voilà. Alors... Bon, ah, c'est les fans-fans. Ouais, les fans-fans, ils sont des fois hardcore. Bon, c'est des arguments que je peux recevoir, mais après, il y a aussi les choses que les gens ne savent pas. Les mondes engloutis, c'est Vladimir Kosma. Pour moi, c'est un très beau CD, en plus une très belle rencontre parce qu'on a quand même été chez Monsieur Kosma. On a fait le choix des musiques avec lui. Alors, c'est ça aussi que je tiens à dire. La playlist, elle a été faite avec Vladimir Kosma lui-même. C'est moi, j'ai fait une sélection. Il y avait un disque qui était sorti, on a récupéré les musiques du disque en bonne qualité. Voilà. Mais moi, je voulais qu'il y en ait plus parce que le disque, qui est... déjà le disque, c'était le thème des mondes engloutis décliné plein de fois. Il n'y avait pas beaucoup d'autres thèmes et du coup, il était carrément incomplet par rapport à la série. Donc moi, j'ai vraiment insisté pour avoir d'autres musiques. Donc il m'a dit, faites-moi écouter celle que vous voulez et puis je vous dirai si c'est possible ou pas. Donc je me suis retapé toute la série en enregistrant, bon, avec les dialogues, toutes les musiques sur les thèmes qui me semblaient importants. Bon voilà, choix personnel, éditorial. Après on peut ne pas être d'accord sur ceux que j'ai jugé importants ou pas. On voulait pas faire un double CD parce que le coût plus important, etc. Donc il fallait que ça tienne en 74 minutes aussi. Donc voilà, et j'ai fait une sélection, ensuite je l'ai fait écouter et là il m'a dit qu'il y a des morceaux qui n'étaient pas possibles d'avoir. Il y a des morceaux, mais il dit non, celui-là, je peux pas vous le donner, celui-là, je peux pas. Est-ce que c'est parce que ces fameux thèmes, je pense que c'est le problème, qu'on retrouve dans plein d'autres films ou de séries dont la musique est faite par Vladimir Kosma, c'est ça? Voilà. Alors, j'ai découvert la facette cachée de Vladimir Kosma, qui est un monsieur qui compose beaucoup et qui a tendance à réutiliser certaines de ses compositions d'une production à l'autre. Voilà. Je ne savais pas qu'il travaillait comme ça, mais visiblement, apparemment, voilà, c'est une notoriété publique et c'est comme ça qu'il travaille. Enfin, c'est pas quelque chose qui est caché. Donc, effectivement, dans les mondes engloutis, il y a des thèmes qui viennent de Vidocq, qui viennent de Château-Vallon, mais même de grands films. Hein. Il y en a une, c'est Le Grand Restaurant. Voilà. Donc, j'ai bien compris qu'il y a certains thèmes qui étaient tellement identifiés à d'autres productions que c'était pas possible, ou alors qu'ils les avaient peut-être licenciés sur d'autres CD. Voilà, c'était pas possible de les avoir, même si c'était important dans les mondes engloutis. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Voilà. Après, j'avais l'impression qu'on en avait quand même rajouté beaucoup. On a eu des petits trucs rares aussi, comme la version anglaise du générique, les vrais karaokés de la chanson. Voilà. Je trouvais que le thème y revenait souvent aussi. On nous a reproché de pas avoir mis d'autres déclinaisons du thème principal entre les BGM, la version télé. la version karaoké et la version instrumentale. Moi j'essaye, après j'ai envie aussi de faire un CD qui est écoutable, et on n'a pas moi il y a des trucs que j'aime pas trop, par exemple sur les CD intégraux de Nadia ou d'Evangelion, c'est qu'on écoute après le même thème 15 fois. Alors voici la version 15 secondes, oui. Voici la version 30 secondes. C'est super quand on est fan d'avoir tout, mais c'est pas agréable à écouter, donc on cherche aussi à faire un CD qui soit varié et qui voilà. Donc à un moment, faut dire bah ce thème on va pas le mettre parce que il est déjà un certain nombre de fois. Voilà, bon après on peut en tergiverser là-dessus sur les forums, c'est une question de choix. Je trouvais que des fois ça allait un petit peu loin, et c'est vrai qu'on s'était un petit peu fâché sur les mondes engloutis. Après effectivement il se trouve que le CD avait pas marché et des gens avaient cru interpréter ça parce que la playlist n'était pas bonne. Pour moi le problème n'était pas là, et je pense que c'était lié à d'autres choses, peut-être effectivement une licence pas assez connue, ou le fait que les mondes engloutis, les gens attendaient pas, se souvenaient pas forcément que la BO était intéressante. Je pense que c'est plus ça qui a fait que le CD s'est pas très bien vendu. Et puis il y a eu d'autres soucis aussi sur, enfin des soucis, c'est plutôt sur les personnes, donc avec Saint Seiya, la BO de Saint Seiya. Oui, on va pas revenir sur cette histoire, mais là c'est vraiment une question de personne, quoi. Voilà. Moi j'ai toujours cherché à faire des livrets qui soient intéressants, parce que pour moi justement on était déjà à une époque où le téléchargement était un fléau pour la musique. Donc pour moi le plus de proposer une édition physique sur CD, c'était d'avoir un joli livret avec des informations dedans, parce que la musique en elle-même finalement tout le monde pouvait la trouver. Donc sur Saint Seiya on a vraiment mis le paquet pour faire des livrets avec des informations, des choses, et voilà. Pas besoin d'entrer dans les détails. Hein, je me suis entouré de personnes qui étaient parmi les plus compétentes sur Saint Seiya, et puis et voilà, à un moment ça a clashé, ça s'est mal passé, voilà. J'ai été élevé au pilori, j'ai eu droit à une tribune. Et pourtant, ça s'est vendu. Donc, c'est pas bien grave, en fait, finalement, à part pour certains fans. Non, avec le recul, je trouve ça dommage qu'on en soit arrivé à des extrémités, parce que c'est vrai que ça allait un peu loin. Bon. Depuis, elle a collé sous les ponts, on a rediscuté avec les personnes. Je me souviens simplement qu'à l'époque, on a l'impression que ça allait pas se vendre du tout, parce que les livrets n'étaient pas faits correctement. Alors que finalement. Après, je peux comprendre, c'est les gens, du coup, qui ont été exclus du projet, ont tout fait pour dire que justement, et ça, je comprends, pour bien expliquer que le dernier livret ne serait pas écrit par eux, et estimait que la qualité en pâtirait, que les ventes en pâtiraient. Encore une fois, effectivement, je trouve dommage qu'on ne soit pas allé au bout du projet. Mais si après Saint Seiya, ça s'est très bien vendu. Bien sûr que le fait d'avoir fait un beau livret y a contribué, oui. Mais avant tout, et aujourd'hui c'est ma certitude, c'est parce que c'était Saint Seiya, que la musique était connue et la licence était très connue aussi. Et le gros moteur des ventes, c'était ça. C'est la musique et la notoriété de la licence, puisque après tout, les livres Dragon Ball Z qui étaient loin d'être aussi riches, oui, en termes d'informations, se sont aussi bien vendu que ceux de Saint Seiya, donc le livret ne faisait pas tout. Mais ça, c'est plus des questions éditoriales. On est content de faire un beau produit et ça contribue après à faire à faire de bonnes ventes, mais ce n'est pas, je pense aujourd'hui, ce n'est pas l'élément déclencheur sur le gros de la masse des ventes. Et puis il y a eu Ulysse 31. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Ulysse 31, on a eu le même problème que pour tout. On voulait faire ce CD et on avait vraiment envie de sortir ces musiques qui avaient jamais été sorties. Voilà, donc Saban nous a tout de suite vendu les droits, il n'y a pas de souci. Et puis au moment d'avoir les masters, on espérait quand même, on avait peut-être des pistes pour savoir qu'ils pourraient nous retrouver quelque chose. Mais voilà, ils avaient rien et ils ont fait aucun effort pour essayer de nous aiguiller quelque part. Faut voir aussi que les droits de musique, c'est pas des droits très onéreux par rapport aux droits d'une série de 26 épisodes à sortir en DVD. Donc c'est des sommes qui sont pas très importantes. C'est quelques milliers de dollars pour sortir un CD. Et pour une grosse boîte comme Saban qui est à l'international, un deal de quelques milliers de dollars, mais c'est une goutte d'eau pour eux. Donc ils sont contents de le faire parce qu'il n'y a pas de petit profit. Mais après, si derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse des recherches ou qui demande d'envoyer du matériel depuis les États-Unis, aller fouiller dans des stocks, tout ça. Ils veulent pas se prendre la tête, surtout pour un deal aussi petit. Ils vendent le deal, ils disent vous débrouillez, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Donc c'est ça la souci. Et puis l'autre difficulté, c'est que les gens qui sont en place en 2000 chez Saban, c'est plus les gens qui ont travaillé sur ces trucs-là. C'est des jeunes où la boîte, elle était absorbée, réabsorbée par d'autres. Ils connaissent pas les produits, ils connaissent pas, ils savent pas où sont. Enfin, si les masters, ils savent un peu. Alors, si c'est bien archivé, rentré dans leurs archives, ils ont un numéro de bande, ils le font sortir, ils vous l'envoient. Mais souvent, ce vieux matériel, soit ça a été perdu ou jeté parce qu'à un moment, ils se sont dit, à la fin des années 90, ça intéressera personne. Donc, on est confronté à ça. Alors, quand on est sur des boîtes qui ont confiance et qui vous ouvrent la porte et qui vous disent, tenez, on a ça, regardez ce que vous pouvez faire avec ça. C'est ce qu'a fait Procidis sur Il était une fois. Ouais. Ils nous ont envoyé un carton, ils ont fait sortir toute leur bande originale, ouais. Et ils nous ont confié le matériel original. Ils ont dit, on a trouvé ça, regardez si ça vous va. Et là, mais c'est extraordinaire, quoi. Tu prends les bandes, c'est écrit à la main, t'as les séances d'enregistrement enregistrées tel jour avec Michel Legrand. T'écoutes les bandes, t'entends Michel Legrand qui répète avec ses musiciens avant chaque morceau. T'as l'impression d'être t'as l'impression d'être le jour du studio. Il y a des morceaux, ça s'arrête parce qu'ils se plantent, ils reprennent. Tu fais un bond en arrière, c'est extraordinaire. Mais le Procidis, c'est une petite boîte française et il y a une confiance et ils te disent, bon, on a ça, vous prenez, ils te font confiance. Ça va, non, ils te disent pas, venez dans nos bureaux et venez fouiller. Malheureusement, ils ne t'autorisent pas ça. Et c'est encore pire si c'est aux États-Unis, comment tu veux y aller? Donc, du coup, oui, c'est vrai qu'on a baissé les bras et on savait pas comment faire. On voulait quand même sortir ce CD. La seule chose qu'ils nous ont mis à disposition, c'est les versions internationales. C'est-à-dire la piste son qu'on utilise pour faire le doublage. T'as une piste son où il y a les musiques et les bruitages déjà mixés et montés sur les épisodes, mais sans dialogue. Ouais. Donc du coup, voilà, on a fait ce travail qui a été un travail de fourmi, d'aller récupérer chaque BGM et d'essayer de les recoller en les prenant dans plusieurs épisodes. Évidemment, on n'a pas tout, ça a ses limites. Les musiques les plus intéressantes d'action, où il y a des bruitages tout le temps, c'était inexploitable. Et voilà, on s'est rabattu là-dessus. Alors je comprends que c'était critiquable, le son était en mono, pas du tout propre, même si on essayait de nettoyer tout ça, de faire le travail, voilà. Mais il faut voir qu'à cet instant T, c'était le seul moyen de pouvoir écouter un peu plus des musiques d'Ulysse que ce qui était sorti, c'est-à-dire les 5 BGM que Saban avait. Voilà, il fallait se dire que c'était mieux que rien. Mais, et surtout, je pense qu'on a été transparent parce qu'on n'a pas essayé de biaiser. On avait vraiment clairement communiqué en avance pour expliquer le travail. C'était expliqué dans le livret. C'était marqué à l'arrière du CD que, attention, ce travail est un travail de reconstitution. Donc, j'ai pas eu le sentiment qu'on ait voulu, on aurait pu jouer rien dire et puis laisser découvrir les gens tout seuls. On a quand même bien tout fait pour prévenir quel allait être ce travail et que les gens ne soient pas déçus. Ils ont été déçus, mais voilà. Après, fin de l'histoire, il se trouve qu'effectivement quelqu'un qui a fait un voyage aux États-Unis a réussi à mettre la main sur les vraies bandes. Mais enfin, je suis très content pour lui. Il n'y a pas su de Seb. Pas cette fois, c'est celle-là qu'on cherchait à avoir. Oui. Mais le problème, c'est que Ulysse, les musiques étaient composées à 75% par Ikegan et Denis Crockett et 25% par Saban. Nous, et c'est Saban qui a les droits de tout, malgré tout. Donc nous, on passe par Saban et Saban, comme entre-temps, ils se sont fâchés. Saban n'a pas les masters des trucs. Et le gars qui va aux États-Unis, qui rencontre un des deux compositeurs personnellement et qui réussit, je ne sais trop comment, à avoir une copie de ça. C'est une démarche personnelle et de fan, donc elle a abouti. Alors pourquoi nous on n'est pas allé aux États-Unis? C'est vrai que oui, on aurait pu se donner les moyens d'aller aux États-Unis. Alors je n'ai pas ses contacts. Là-dessus on a peut-être péché, oui bien sûr. Mais le gars il a eu quand même un sacré coup de bol. Alors après il est venu nous donner des leçons en nous disant vous voyez moi j'ai réussi. Tant mieux. J'aurais aimé à l'époque qu'on trouve un terrain d'entente et qu'on arrive à travailler avec lui. Ça s'est pas fait. Il a voulu garder ça pour lui. Finalement, il a réussi à le sortir des années après. Et ah, d'accord, content. Mais c'est vraiment vieux alors comme histoire. Oui. Je pensais que ça s'était fait dans l'année d'avant, mais finalement non. Le fameux CD avec sa musique. Non, parce qu'on disait, je me rappelle qu'à une époque on disait oui, je l'ai. Non, en fait, non, je l'ai plus. Enfin, il y avait une histoire en bruit comme quoi il disait. Le gars disait qu'il l'avait. Je sais pas si c'était le même. Alors au début, je pensais que c'était. Je vais être honnête, je pensais que il m'y tenait il est venu à Japan Expo avec deux ou trois morceaux qu'il m'a fait écouter. Je me souviens du stand à Japan Expo, j'écoute ça sur la chaîne, sur le stand, dans le brouhaha, et effectivement j'ai tout de suite reconnu que c'était il pouvait pas m'y tenir. Les avait vraiment, le premier morceau qu'il m'a fait écouter, c'est la version chantée du générique. Il pouvait pas l'avoir sorti, il pouvait pas l'avoir inventé celle-là, il pouvait pas l'avoir reconstitué ni truc. Donc, très rapidement j'ai su que effectivement il avait parfaitement raison. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Il a voulu aller au bout. Mais je pense qu'après il a eu les mêmes difficultés. Il s'est rendu compte que il a voulu le sortir tout seul et il a dû se rendre compte que sortir un CD sans maison de disque, sans rien, c'est pas évident. Et du coup il a mis 10 ans à aller au bout de ce projet. Et malgré tout, donc finalement, il y a rien eu pendant 10 ans et notre CD a quand même permis pendant 10 ans à des gens d'écouter ces musiques. Donc finalement, il était quand même pas si mauvais. En sachant qu'il y a ceux de Saban sur les vôtres, sur ce logarithme. Oui, alors finalement, aujourd'hui encore, il n'y a jamais rien qui a été totalement complet. qui sait, un jour, bah, peut-être pas du tout, mais bon. Je pense que c'est difficile de réunir aujourd'hui sur un même CD les compositions de Saban et les compositions de Ikegan et Crockett. Et le principal, c'est quand même que tout a été édité, même s'il manque encore une BGM, la fameuse BGM. Laquelle déjà? Bah, le thème le plus connu qui est une repompe d'une BGM de Star Wars et ah, qui oui, fait oui, que oui. C'est impossible de l'éditer officiellement. Dommage, c'était c'est je crois une des plus importantes. Donc il restera toujours encore ce truc. Et une question, alors du coup vous avez pas du tout travaillé avec Michel Legrand, ça s'est fait vraiment sans lui pour les non, il était une fois là, c'est directement avec la société productrice qui avait tous ses propres masters d'époque. Mais pour Procidis, c'était que pour Michel Legrand, pour le Il était une fois l'homme, vous êtes adressé aux Japonais. Non, Procidis avait les droits musicaux de ses séries. D'accord. Et les masters, ça c'est l'avantage d'une petite société qui a elle-même produit tout. Elle a tous ses droits et tout conservé, ses masters. En plus, comme c'était une entreprise plutôt familiale, voilà, ils ont bien tout conservé et tout. C'est un plaisir de travailler comme ça. Et puis surtout, voilà, des gens qui ouvrent les portes du bureau et qui disent prenez ce que vous voulez. Voilà, c'est exceptionnel d'avoir et qui ont bien tout gardé proprement aussi et qui sont méticuleux. Il y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Alors, vous avez sorti après Candy. Alors Candy, c'était très attendu finalement. Bon, après, il y a qui ont râlé parce qu'il n'y a pas d'image, mais ça se comprend parce qu'il y avait un, comment on dit déjà, il y avait un problème de droit. On peut parler au présent parce qu'il y a toujours le problème de droit. D'accord, bon. Donc il y a toujours un problème de droit suite donc à une mésentente, je crois, entre la Toei et l'auteur, c'est ça? Non. C'est un problème de droit entre les deux auteurs du manga, entre la scénariste et la dessinatrice. Ah oui. Donc ça touche aussi bien le manga que le dessin animé. Voilà, et la scénariste qui reproche à l'illustratrice d'avoir utilisé la notoriété et l'image de Candy sans son autorisation. Depuis, on a fait une affaire personnelle et bloque. Il y a eu un procès, il a été reconnu qu'elles étaient détentrices à 50% l'une de l'autre de la licence, donc elles peuvent rien faire l'une sans l'autre. La dessinatrice voudrait bien maintenant refaire revivre Candy ou que ça ressorte, mais la scénariste, on a fait une histoire personnelle et jusqu'à sa mort, elle bloquera, elle refuse que tout se voilà. Donc du coup, voilà pourquoi l'animé ne sort pas, le manga ne ressort pas, on peut pas faire de remake ni de suite. Voilà. Et vous avez réussi, comment vous avez réussi le coup? Mais on a réussi à convaincre la Nippon Columbia qui nous disait. 10 ans avant le japonais. Mais oui, parce que Columbia nous disait. Moi, mon principe, c'était, la Columbia ne veut pas nous vendre justement les droits d'image, on parlait tout à l'heure des séries, parce qu'il nous disait, nous, on a que les droits de la musique. Et du coup, j'ai renversé la situation, j'ai dit, puisque vous avez les droits que de la musique, finalement, la musique, c'est la seule chose qui ne touche pas ni au scénario, ni à l'image de Candy. Donc j'ai dit, du coup, vous pouvez quand même nous vendre les droits musicaux. Ils ont réfléchi et ils en sont venus à la conclusion que oui. Ils nous ont envoyé une copie des masters qui n'était jamais sorti en CD au Japon. Il y a eu un album vinyle qui était sorti dans les années 70 et nous, on a eu la copie master de cet album vinyle et c'est ce qu'on a sorti en le complétant des génériques français et des versions karaoké. Voilà. Et effectivement, ce n'est que récemment que la même chose est sortie au Japon, alors complétée apparemment de quelques musiques inédites et des chansons, un triple CD que je me suis empressé d'acheter évidemment, qui n'a pas plus d'images qu'on en avait mis à l'époque. C'est même beaucoup plus moche un peu. Non, parce que la couverture elle était horrible, je l'avoue maintenant, c'est moi qui avais fait ce dessin et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dessinateur. Voilà, mais C'est toi qui avais fait le dessin. Tout à fait, je peux le confesser, je l'assume désormais. C'est pas signé. Non. Mais très fier là aussi d'avoir sorti ce CD. Alors officiellement, on n'avait pas le droit de le vendre à l'étranger. On l'a pas vendu à l'étranger, mais je sais qu'il y a eu des commandes par des gens. La fois qu'on le trouve encore. Hein. Voilà. Et donc par la suite, vous avez fait quelque chose d'assez incroyable. Vous avez sorti la musique des Mystérieuses Cités d'Or. Mais ce n'était pas l'original. Oui, pour moi, il y avait vraiment chez Saban deux BO mythiques. C'était Ulysse 31 et les Cités d'Or. Donc Ulysse 31, il y a eu ce problème. De retrouver les masters et quand ensuite on a voulu se pencher sur le cas des Cités d'Or, le problème était le même. Hein. On savait que de toute façon, il fallait pas compter sur Saban pour nous retrouver les masters. Voilà. Et à cette époque-là, il y avait Boob qui avait commencé à rejouer ses musiques. Il l'avait fait déjà depuis un moment. Hein. Il s'était disponible sur son site et j'avais été bluffé par la qualité de ses réorchestrations. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas sortir ça parce que c'est presque proche de l'original. Donc voilà, je l'ai contacté, et je lui ai proposé ce truc un peu fou d'éditer ce travail qui était fait en total amateur et comme ça sans volonté d'édition, juste pour partager avec les fans. Comment ça a été possible? C'était possible parce que quelque part ces réorchestrations, c'est ce qu'on appelle du cover, c'est-à-dire on rejoue un morceau. Et quand on fait un cover, on peut l'éditer du moment que tu rejoues tout, du moment que tu rejoues tout et que tu n'utilises pas le moindre sample de la musique, tu peux rejouer tout ce que tu veux et l'éditer. Il faut déclarer l'éditeur original et tu toucheras aucun droit en tant que créateur de la musique, mais tu peux faire un cover. Tu peux rechanter demain du Michael Jackson, tu peux rechanter du Michael Jackson sans demander à Michael Jackson ou à ses ayants droit. et par contre, voilà, il faut refaire le playback, faut tout refaire. Donc voilà, pour moi, c'était typiquement le cas d'un cover. Mais quand on dealait avec Saban, on a quand même négocié les droits pour qu'il n'y ait pas d'embrouille ou qu'ils aient l'impression qu'on les court-circuite, etc. En plus, ils étaient un peu devant le fait accompli. Ils n'étaient pas capables de nous fournir le matériel. Donc voilà. Donc du coup, voilà, on a réglé ça comme ça et on a édité. Boob, qui est un perfectionniste, a dit: ah mais si ça sort, moi je refais tout là, parce que j'ai fait ça comme ça et je veux refaire du coup des trucs encore en mieux, parce que là si c'est édité en CD. Donc il a tout refait et on a sorti ce double album. Voilà. Là aussi, j'espère que ça a été perçu comme ça, une totale transparence. Je crois qu'on avait intitulé ça les musiques réorchestrées. Oui. Voilà, pour que on voulait pas qu'il y ait de confusion, que les gens aient l'impression qu'on leur parce que malgré tout on entendait que c'était quand même pas exactement les vraies musiques, ça dépendait des morceaux, mais il y a des morceaux où ça t'entendait. Donc voilà, on a voulu jouer la transparence aussi et on a cherché à faire limitée, voilà, édition limitée standard. Bah finalement oui, c'est bien vendu ce CD, ça a été un joli petit succès, enfin pas autant que Saint Seiya et Dragon Ball, mais voilà. Bah oui, parce que c'est vrai que maintenant c'est des choses qu'on ne trouve plus. Bon, entre temps il les a encore refaites encore en mieux, parce que ça, je crois que ça s'arrêtera jamais. C'est fou, hein. C'est vrai qu'on écoute et puis bon, on dirait que pour nous, enfin pour moi, j'ai senti comme ça que c'était comme l'original. Finalement on réécoute la nouvelle version, je dis ben non, c'est encore mieux. Bah entre temps je crois qu'il a fini par vraiment trouver exactement les vrais synthés, les vrais amplis, mais bon, ouais, je pense que là, il est quand même allé au bout du truc. Je sais pas s'il reprend encore d'autres versions. Si, c'est pas fini encore. Il va faire du Musclor aussi. Ah, c'est très bien, oui. Ça faisait le sale titiller. Là, il essayait aussi de faire. Il s'est mis aussi sur Ulysse. Il nous avait proposé un peu d'Ulysse. Mais moi, j'estimais que les musiques d'Ulysse, qui n'étaient pas faites avec autant de synthé, j'estimais que ça serait impossible. On avait à un moment évoqué le projet de faire Ulysse. Mais j'estimais que Ulysse, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'opéra rock, c'est-à-dire que c'est un vrai orchestre, c'est des vrais instruments de rock qui jouent la BO. Donc quand tu remplaces tout ça par du studio ou du synthé, tu peux pas atteindre la qualité, ça s'entend vraiment. Alors, la BO, voilà. Des cités d'or était plus très synthé. Il y avait quelques vrais instruments, il y avait des guitares, quelques flûtes. Mais le synthé est beaucoup plus présent. Donc du moment où tu retrouves les sons et les vrais samples de l'époque, les vrais échantillons, tu peux arriver à refaire quelque chose de proche. Donc, ouais, mais j'estimais qu'effectivement, il y aurait Jace aussi que j'aurais aimé sortir aussi. C'est vrai que c'est une BO mythique aussi. Mmh. Bon, on va parler des choses qui sont tristes, hein, des choses qui fâchent, mais non, mais parce que c'est loin. Et bon, bah, il y a eu un dépôt de bilan en 2005. En fait, c'est plutôt que l'aventure logarithme, voilà, elle a eu son cycle. Quand on achète des droits pour sortir des génériques ou des musiques, ça s'étale sur 3 ou 5 ans. Donc voilà, on a commencé l'aventure en 2001, 2002, 2003, on a sorti toutes ces BO. Et voilà, 2, 3 ans, 5 ans après, les droits arrivaient à échéance. On avait sorti tout ce qu'on avait acquis et c'est vraiment posé la question, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on repart sur une acquisition de droits ? Qu'est-ce qu'on n'a pas sorti qui serait porteur ? Et voilà, le bilan, il n'était pas négatif, mais il n'était pas très positif. Honnêtement, on n'a pas perdu d'argent avec Logarithme, on n'en a pas gagné. Et puis surtout, voilà, le marché de la musique devenait encore plus dur les années arrivant. Et le piratage. On avait sorti des licences fortes. Il y en avait-il qui étaient aussi fortes qui... Alors, il y avait d'autres licences fortes, mais on savait que c'était pas atteignable. Les génériques, on avait à peu près sorti tout ce qu'il y avait de ces années-là. Et après, on basculait dans les années 90 où ils étaient moins mythiques. Donc, finalement, on a fait le bilan et on s'est dit que c'était une belle aventure, que derrière, ça allait être un peu plus difficile. Donc, voilà, d'un commun accord, on a décidé, en fait, d'arrêter, d'en rester là. Et voilà, moi après je suis parti sur d'autres aventures puisque ça correspond à l'époque où Yvan Westerlans a quitté Animeland et on m'a proposé d'être rédacteur en chef. Donc il y a eu plusieurs circonstances en fait dans mes activités aussi. Moi j'ai pris un tournant. Yves aussi après c'est l'époque aussi où il a commencé à financer Japan Expo qui a fait sa transition entre la partie associative et la partie professionnelle, et parce qu'il faut pas oublier que Japan Expo à un moment était intégré dans ce consortium qui composait IDP, Logarithme, Loga Distribution, la création Taifu Comics qui est né aussi à cette époque-là. Donc aussi Yves avait beaucoup développé ses activités donc sur le manga papier, sur l'événement. Donc voilà, la musique, on avait moins le temps de s'y consacrer. Donc voilà, il y a eu un ensemble de choses. Et ce qui fait que voilà, on n'a pas déposé le bilan parce que ça marchait pas. Mais non, c'est pas un vrai dépôt de bilan. C'était la fin d'un cycle et on s'est dit que voilà, que notre aventure commune prenait fin et on est ensuite parti chacun respectivement. Et après voilà, IDP aussi a été revendu à d'autres. Yves Huchez lui s'est recentré aujourd'hui sur le label Taifu avec la création d'autres uniquement sur le manga avec Ototo, Felb, etc. Et moi bah voilà, Animeland et puis d'autres choses après. De quoi est-ce que tu es le plus fier sur ton travail chez Logarithme? Bah moi je suis le plus fier voilà de ces génériques rares qu'on a exhumés, même si c'était pas forcément les plus attendus, de rencontres extraordinaires, que ce soit avec Vladimir Cosma ou même les chanteurs. On n'a pas parlé mais on a fait ces concerts aussi Logarithme il y a 10 ans, on a réuni sur scène Marie Dauphin, Michel Barouille, Valérie Barouille, Enrique, tous ces gens-là. Ça a été des rencontres extraordinaires. On a remis ces génériques sur la scène, on a fait des shows à l'occasion de Japan Expo ou d'autres événements. Donc voilà, de très très belles rencontres. Et pour revenir sur les CD, voilà, moi, les CD de Il était une fois l'homme, L'espace, La vie, c'est des choses, le CD de Candy, c'est vraiment pour ça que j'ai fait Logarithme à l'époque. C'était pour sortir ces choses-là. Et même si ça a pas été nos plus grands succès, moi, avec leur cul, je suis vraiment très, très heureux d'avoir permis à certains de découvrir. D'avoir ces BO chez eux. Et voilà, moi, j'ai eu la chance de découvrir parfois plus que ce qu'on a mis sur le CD. Je le disais, voilà, les musiques d'Il était une fois l'espace avec le cut, quoi, les répétitions avant, c'est extraordinaire d'avoir accédé à un tel matériel. Ouais. C'est beaucoup plus complet que le CD qui est sorti chez IDP d'ailleurs. On avait demandé ces musiques pour faire un CD bonus sur Il était une fois l'espace parce que j'avais proposé ça. C'était un peu les prémices de Logarithme. Et après, voilà, comme on savait que ce matériel était dispo et qu'en plus sur le CD, on n'avait pas tout mis, je me suis dit pourquoi pas faire les trois premières séries qui pour moi étaient les musiques les plus intéressantes. C'est vrai qu'après on n'avait pas voulu faire les Amériques parce que je trouvais que les BO avaient moins d'intérêt, même si elles étaient belles aussi. La plus belle ça reste quand même Il était une fois l'espace, bien que ce soit la série la moins connue d'Albert Barrier. Je pense que c'est envisageable qu'un éditeur arrive à survivre aujourd'hui en voulant éditer des CD. Il y en a. Il y a la collection Télé 80 qui a pris le relais depuis, qui fait un petit peu ce qu'on avait fait aussi, qui essaye d'exhumer comme ça des génériques, de ressortir en CD. C'est vraiment les seuls, hein, parce que c'est très difficile. Enfin, eux-mêmes, ils me disent, on est en contact, hein, ils me demandent parfois quelques conseils ou on discute, ils me disent un peu ce qu'ils veulent faire aussi. Mais voilà, c'est un marché encore plus niche que nous. Le seul avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire vraiment de la vente en direct sur Internet. Donc, du coup, en n'ayant plus tous les intermédiaires. C'était une lourdeur que de passer par la Fnac, parce que c'est des circuits qui prennent beaucoup sur la commission. Nous, on avait fait aussi un positionnement de CD vraiment pas cher. On voulait des CD qui coûtent pas plus de 15 euros. Et franchement, quand on paye les droits SACEM qu'il faut payer en avance, même sur ce qu'on vend pas, les droits des musiques qu'on paye, les droits de fabrication, le droit de coût du livret, parce que ça coûte plus cher de faire un livret que de pas en fait, que de mettre une pauvre feuille de chou. Ben c'est vrai que la marge elle est pas énorme. Aujourd'hui, en vendant en direct avec une petite boutique sur Amazon, ça donne un modèle économique qui est un petit peu plus viable. Enfin, pour pas se leurrer, les quantités qu'ils font sont vraiment minimes et ça, ils font pas ça pour ils sont rentables, mais c'est pas ça qui les fait vivre. Donc c'est plus c'est un label plaisir, voilà, pour partager encore ces choses. Et ouais, comme ils me disent on sait même pas si est-ce qu'après nous il y aura encore quelqu'un qui fera des CD comme ça. Le CD sera mort après, et c'est peut-être les derniers CD qui sortent encore aujourd'hui là-dessus d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut encore soutenir ces initiatives, même s'ils ont les mêmes problèmes que nous, qui sont même aggravés, c'est-à-dire ils ont pas accès au master, et même 10 ans se sont écoulés et les masters ils sont encore plus perdus qu'ils l'étaient déjà il y a 10 ans. Alors de temps en temps il y a des petits miracles, entre temps on arrive à retrouver encore des choses qui sortent comme ça. Mais ils sont toujours confrontés aux mêmes difficultés qu'on avait à l'époque. Pareil, faire des offres sur des droits sur des toutes petites quantités, voilà, ça intéresse encore moins. Pareil, aujourd'hui, tous ces droits, ils sont encore plus absorbés. Entre Warner et Universal, il n'y a plus que 2 ou 3 sociétés, des grosses majors comme ça, qui détiennent l'ensemble des droits de tous les génériques de dessins animés français. Donc, c'est difficile de travailler, de faire des petites offres comme ça, de catalogues, à des sociétés aussi grosses, parce que ça représente des sommes tellement petites que des fois, ça leur coûte plus cher d'écrire un contrat que pour toucher les quelques euros qu'ils vont grappiller. Donc voilà, c'est malheureusement la triste réalité de ce marché aujourd'hui. Bon, mais je crois qu'on a fait un peu le tour, à moins que tu aies quelque chose à dire de plus sur Logarithme. Bah non, mais merci en tout cas de s'être intéressé à ce label. Encore une fois, moi j'en garde un bon souvenir, même bon, s'il y a eu, hein, y a eu des... Voilà, des moments difficiles, parfois il y a eu des critiques qui étaient fondées, qui étaient peut-être des fois un petit peu moins, mais voilà, c'était une très belle aventure et j'en garde encore un merveilleux souvenir. Alors pour les auditeurs qui ne voient pas parce qu'il n'y a pas d'image, bien entendu, j'ai amené avec moi des livrets de Logarithme, des CD sortis par Logarithme. Je vais demander à Olivier de tirer au sort un livret et puis de me sortir une anecdote, je ne sais pas facile à dire ça, anecdote sur l'œuvre dont le livret sera tiré. On y va ? Allez, je te tiens le micro si tu veux. C'est bon ? Alors je tiens. Hop. Voilà, ça. Ah bah voilà, c'est Ken le survivant. Ken le survivant. On avait ça. Juste à dire. Oui. Quand on a lancé le projet Ken, les BO de Ken n'étaient jamais sortis en CD au Japon. Il y a eu beaucoup de vinyles. Il y a eu 3 vinyles sur la première série, un sur la deuxième série et un sur le film. On a acheté l'ensemble des droits parce que, pareil, pour faire une offre un peu conséquente, même si c'était surtout la première série qui m'intéressait. Et là, pareil, très content, je savais pas trop ce qu'ils allaient nous envoyer, est-ce qu'ils allaient nous envoyer un vinyle, une copie du vinyle. Et là, on reçoit les copies master, comme qu'on dit, de la BO de Ken. Alors, il n'y avait pas d'inédit, c'était exactement ce qu'il y avait sur les disques, mais quand même copie master, donc c'était jamais sorti en CD au Japon. Ouais. Super fier de sortir ça, mais le temps qu'on planifie le CD, qu'on le lance et qu'on l'édite, paf, 2 mois avant nous, il sort au Japon. Là, j'ai toujours été persuadé qu'on leur avait... Du coup, d'avoir exhumé ce truc-là, ils se sont dit « Tiens, si on faisait un CD ?» Et évidemment, il est sorti au Japon et 3 semaines après, il était juste avant qu'on sorte en CD hongkongais à 15 euros, à concis, et voilà. Donc, on était un peu dégoûté, mais... Et là aussi, j'ai pas la preuve, hein, je peux pas dire est-ce qu'ils avaient vraiment prévu de sortir ce CD, mais le hasard était quand même... Ils ont pas mis pour Candy. Voilà, Candy, oui, ils ont mis 10 ans, donc... Allez, un dernier. Ça sent le... Voilà. Master générique, Saban, le premier volume. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus Peut-être sur un des titres sur dedans, à la rigueur. Parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal de Saban déjà, du bas. Pour remplir les CD, j'avais pris même les chansons, comme la chanson des bottes ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est des trucs... Est-ce que ce livret, tu en es content, par exemple? Parce que tu me parlais tout à l'heure que quoi, les livrets, ils étaient pas tip-top pour toi. Graphiquement, non, je ne suis pas content, c'est horrible. Donc, par contre, que horrible, par exemple les couleurs, la pagination. Après, c'est chargé. Hein. Moi, je voulais mettre les paroles. Il y a l'interprète, le générique, est-ce que c'est un générique de début, d'où vient la série, une anecdote, un résumé de la série ou une explication sur la chanson plus toutes les paroles, c'était chargé. D'accord, moi je pensais que c'était plus niveau graphique, mais ça reste intéressant en termes d'information. Bah, comme je le disais, ouais, la pochette elle est vraiment moche. Après, on avait fait une deuxième version où là on s'était un peu plus lâché sur les visuels. Mais ouais. Cette télévision est moche. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le logo Master Générique TV. Ensuite, il y a les titres des génériques, Goldorak, Inspecteur Gadget, Bamberic. Ensuite, il y a des petites vignettes avec les visuels. Ensuite, il y a le titre, les succès Saban. Il y a marqué 10 génériques originaux et il y a le numéro de volume. Ça fait beaucoup d'informations sur un format de 12 par 12 cm. On faisait tout nous-mêmes, hein, parce qu'on n'avait pas les moyens de, enfin voilà, le modèle économique était aussi de récupérer de finalement j'avais fini par masteriser chez moi, j'avais acheté de quoi lire les bandes quart de pouce, de quoi restaurer les disques et masteriser, j'avais acheté des quelques programmes pour faire ça quand même de manière pro, mais c'est vrai que c'est moi qui faisais ça chez moi, qui masterisais le CD et la maquette, voilà, bah c'est moi, j'étais maquettiste, alors voilà, mais bon, mes limites de maquettiste se voient un peu sur ce CD, oui. Puis quand on fait tout soi-même, au bout d'un moment, on manque un peu de recul aussi pour connaître la bonne approche ou pour avoir un avis objectif sur ce qu'on fait. Bon, ben voilà, on a terminé, Olivier. On a passé plus d'une heure ensemble, hein, je crois, à peu près. Est-ce que tu peux me parler maintenant de ton actualité Crunchyroll, alors. Depuis 2 ans, j'ai rejoint Crunchyroll, qui est une plateforme de vidéo à la demande, c'est-à-dire on diffuse voilà des catalogues de séries d'animation japonaises, que ce soit du drama ou des séries animées. Une heure après leur diffusion au Japon en version originale sous-titrée, une sorte de Netflix dédié à l'animation japonaise. Voilà, donc c'est une société américaine et qui s'est installée en France, qui s'est développée dans plein de pays, notamment en France. Et moi, je les représente en France, c'est-à-dire que je les aide à se faire connaître sur le territoire français, puis je leur fais remonter des infos sur le marché pour les aider à se développer. Voilà, un nouveau travail. J'ai toujours fait des choses très différentes dans ma vie, mais tout en restant lié dans cet univers du manga et de l'animation japonaise. Et voilà, très intéressant. Et c'est quoi les titres actuels, les plus gros titres que vous avez actuellement? On est vraiment sur... Alors là, on n'est plus du tout dans la nostalgie. Hein. Goldorak, Albator, non, c'est pas notre cam. Nous, on est sur des séries très récentes. On va être sur World Trigger, sur Jojo's Bizarre Adventure, sur Mon Histoire, Gintama, Gundam, la dernière série de Gundam, effectivement. Voilà. Et sinon, j'ai un autre projet aussi, je pense, là, qui rentre plus en rapport avec le sujet de Logarithme. C'est, voilà, un concert qui aura lieu l'année prochaine au Grand Rex à Paris. Voilà, c'est la Fée Sauvage, un organisateur de concerts qui avait déjà qui organise des concerts symphoniques de One Piece, Saint Seiya ou Final Fantasy. Voilà, qui est venu me voir et qui m'a proposé un projet un peu fou, faire un concert live avec les chanteurs originaux des génériques des années 80-90. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait fait à Logarithme, mais ça, en fait, c'est pour moi, c'est l'aboutissement de ce que j'aurais voulu faire à l'époque. À l'époque, on avait fait donc ces concerts, mais c'était des concerts dans des événements, à Japan Expo, à Cartoonist, où on chantait sur un playback, une version de karaoké. Le chanteur original venait chanter, voilà. Mais j'aurais aimé aller jusqu'au bout. Ça aurait été de faire vraiment un vrai événement tout seul, dédié, avec du live, des musiciens. Et voilà. Et La Fée Sauvage m'a proposé de travailler sur ce projet de rêve. Donc j'ai dit oui tout de suite. Et voilà, et on a rappelé tout le monde, tous ces gens-là avec qui on avait travaillé il y a 10 ans. C'est vraiment le moment de le faire et je suis super heureux. Ça va être un bel événement, un événement pour l'instant qui sera unique, un seul concert, parce que faire des choses sur plusieurs dates, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est exceptionnel, que ce soit intéressant. Voilà, et je pense qu'il faut jouer sur le côté exceptionnel. Donc voilà, ça sera en avril 2016 au Grand Rex. Et Au Japon, parce qu'il y a chaque année, il me semble qu'ils font venir des chanteurs. Ils font les animés marathons, voilà, des choses comme ils ça. Ils font chanter, voilà. Il me semble, pas toujours en playback, du coup avec un orchestre. Mmh. Là, ça sera vraiment entièrement orchestre, mais avec la volonté de rejouer. On réarrange pas, on essaie de retrouver les sons de l'époque pour rejouer tel qu'on l'entendait sur le disque. Et voilà, il y aura Michel Barouille, sa fille Valérie, Jean-Pierre Savelli, bien sûr, Bernard Minet, indispensable, Jean-Paul Césari, Marie Dauphin, Liliane Davis, et puis quelques Edgar, gentleman cambrioleur, voilà, et puis quelques petites personnes qu'on a trouvées enfin qu'on a trouvé qui parfois ont chanté juste un générique, qui n'ont jamais rechanté de leur vie. Allez, je vais te balancer quelques scoops. Ouais, on a déjà annoncé la chanteuse de Cat Size, Isabelle Guiard, qui n'a jamais rechanté ce générique depuis qu'elle l'a enregistré. Elle a fait que ça. Elle savait même pas ce que c'était Cat Size. Elle va venir leur chanter. On a retrouvé Michel Andersen avec le générique de Raon aussi. J'adore cette chanson. On aura Dominique Poulain qui va chanter pour la première fois les deux génériques de Candy en live. Et d'autres surprises encore, je dis pas tout parce que d'ici avril, on l'affiche grossit. On a l'ambition d'avoir une quinzaine d'artistes. Et entre 30, on s'était fixé 30 génériques et là on est en train de monter à 40, ça c'est horrible. La nuit. Le pire c'est d'arriver à décider, il y a tellement de chanteurs que c'est horrible d'en choisir des fois que deux ou trois parmi tout ce qu'ils ont chanté. Mais je pense que ça va être un beau moment, une belle affiche. Et voilà, je vous invite. Les places sont déjà en vente, vous pouvez les réserver dès maintenant. Et ça sera, j'espère, un bel événement. Sur le site de La Fée Sauvage, non? Voilà, La Fée Sauvage, mais aussi dans les FNAC et en vente habituelle. Animé Nostalgie, c'est le nom du concert. Très bien, ben merci Olivier. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures chantées ou musicales. À bientôt.